Archi bien. Archi beau. Archi radio. Archi doux. Archi cool. La radio du festival Archipel. Archi chouette. En direct. De 10h à midi. Archi nul. Sur Archipel. Archi fort. Archigrand.org. Bonjour. Bonjour Doris. Bonjour. Bonjour Archipel. Bonjour Archiradio. Eh ben, on est aujourd'hui au 9e jour du festival. C'est le dernier week-end avant la fin. Et aujourd'hui, Jonathan a laissé sa place à Doris. Salut Doris, comment ça va? Bien, et toi? Ben, ça va. C'est ton premier live radio ou c'est pas? C'est ça. Ah non, c'est vrai que jeudi, tu avais fait déjà un live pour Londres. C'était un live en anglais. Ah oui, oui, c'est vrai. Voilà. Et puis, ben, je ne sais pas comment s'est passée ta journée d'hier, par exemple. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu des concerts que tu as vus? Parce que j'ai l'impression que depuis vendredi, le programme s'est densifié. Il se passe plein de choses pour ce dernier week-end. C'est ça. Alors, j'ai vu hier soir 3 concerts. Le dernier de... Enfin, c'était pas le dernier, mais c'est le dernier que moi j'ai vu à 21h. De Steve Beresford, Max Eastley et David Toop. Alors, c'était 3 messieurs qui faisaient de la musique avec plein de matériaux, en fait. Et c'est, parfois, ça faisait un peu mal aux oreilles. Par exemple, avec un archet de violon, quand il frottait ça sur une boîte en carton, c'était... Ça faisait un peu mal aux oreilles. C'était une improvisation, je crois. Bon, en tout cas, ça en avait l'air. Moi, je me rappelle qu'ils avaient plein de petits objets, des choses qui ressemblaient plutôt à des jouets, carrément, et qui s'amusaient à enchaîner et à voir comment ils se répondaient avec ces objets. Il y avait aussi de la machine, hein, pas que des objets. C'est quoi de la machine? Mais il y avait un monsieur avec une machine qui faisait plein de bruit comme ça. Ouais, je crois que c'était une table de mixage, je sais plus trop. Peut-être que y a Simon que je vois hocher de la tête à côté. Est-ce que... C'était peut-être il y avait un petit piano, non? Enfin un petit synthé, je sais plus. Ouais, peut-être petit... c'était effectivement il y avait peut-être un synthé. Un petit clavier, enfin je sais pas. Ouais. Ouais. Et est-ce que ça t'a plu ce concert? Oui, ça m'a plu, mais parfois j'ai carrément dû me boucher les oreilles parce que ça me faisait trop des frissons. C'est vrai qu'il y avait le moment où il frottait l'archet contre le papier et ça me faisait le même effet que quand on va mettre ses ongles sur un tableau noir ou la craie. Ouais. Et d'ailleurs, il y a plusieurs personnes qui sont sorties à ce moment-là et je pense que c'était lié à ça. Ouais, je voyais un monsieur plus loin qui était comme ça, avec ses mains sur ses oreilles, en train de fermer les yeux. Et je vous propose, je te propose et je propose aux éditeurs, aux auditrices de Archi Radio de découvrir la capsule de résumé réalisée par Perrine et Simon pour la journée d'hier. Enfin, le résumé, les impressions par rapport à la journée d'hier. Mais peut-être que vous pouvez nous en dire un peu plus avant qu'on la lance. Alors pour cette capsule, donc on s'est réparti le travail ensemble avec Perrine. Et donc moi, j'ai enregistré la répétition de la performance de Steve Beresford, Max Eastley et David Toop. Enfin, c'est pas eux qui jouent la performance, mais c'est bien ça. Et donc, c'est la performance qu'on va pouvoir découvrir ce soir, c'est World ça. Music, exactement. À 21h. Donc, j'ai enregistré la répétition en pensant qu'on allait voir la performance le soir même, hier, ce qui n'était pas le cas, en fait. Il y a eu une petite incompréhension. Mais bon, voilà, c'était... Ah oui, pardon. Et en fait, hier, il y a quand même eu la répétition du concert de ce soir. Il me semble qu'ils retransmettent cette performance à trois autres interprètes. Parce que je ne sais plus à quelle date ils l'ont créée, mais en tout cas, voilà, ils repassent cette performance à trois autres personnes. Mais hier, ils répétaient ça. et ce qu'on va voir ce soir. Donc la capsule, elle parle de ce soir alors que c'était ce qui se passait hier. Bon, voilà. Mais donc ouais, c'était une création qui a été jouée en 1978 et qui est rejouée aujourd'hui. Et donc ça fait une semaine en fait qu'ils travaillent avec les performeurs pour leur transmettre le matériel pour aujourd'hui. Et moi, j'ai été à la répétition de la performance créée par Alvin Lucier, où il y a Antoine Leng qui fait cette performance pour la première fois. Donc j'ai enregistré la répétition et les essais des sons. Voilà. On écoute. Ces ondes, c'est des ondes qui sont particulièrement actives dans des situations de méditation ou de calme, quand on ferme les yeux en fait. Il faut se détendre et puis éviter justement de d'avoir une activité musculaire, déglutir, bouger les yeux, ce genre de choses. Donc il faut rester relativement calme et puis être ok, d'être patient pendant 30 minutes pour que ça se passe. Et puis pas trop réagir non plus à ce qui se passe autour, parce qu'en fait, moi-même, ça m'étonne tout d'un coup d'entendre ces trucs se produire, mais il ne faut pas que je m'extasie, alors qu'au fond de moi, il y a un truc qui est là, genre « waouh ». Parce que pour moi, c'est une première, je ne l'ai jamais fait. On vient de me poser ces petits électrodes sur le crâne. Le principe, c'est de capter les ondes alpha, qui sont des ondes que le cerveau produit dans une certaine bande de fréquence. C'est entre 4 et 16 Hertz, en fait. Et puis, c'est des ondes que les cerveaux produisent généralement. Après, chacun les produit à une hauteur qui est différente. En fait. Ces ondes-là, comme c'est des ondes, elles ont un rythme, une oscillation qui ensuite va en fait être envoyée dans ces haut-parleurs, des sortes de transduceurs qui vont en fait activer les percussions qui sont disposées tout autour de la pièce. Une répétition pour la pièce Music for a Solo Performer de Alvin Lucier. Nos invités du jour, Max Eastley, Steve Beresford et David Taupe, sont arrivés. Alors, on va les accueillir. On va les accueillir bientôt, mais ils sont encore derrière la porte. On les a juste vus surgir pendant quelques secondes, nous faire coucou. On en a vu et... un. On en a vu un. Les trois ne sont pas encore tout à fait là. Mais c'est déjà bon signe. Et puis, il y aura Marie Janson, directrice du festival, avec eux. Co-directrice. Pardon, co-directrice, oui, effectivement. Mais... voilà. Mais avant ça, on écoutera une petite capsule de Doris avec Vincent. De quoi avez-vous parlé aujourd'hui, Doris ? Je me souviens plus très bien parce que ce sera la surprise parce qu'on ne fait pas en live. Du coup, j'ai tout le temps un décalage. Ce sera donc, je me demande bien de quoi on va parler. Oui, je t'ai un peu posé une question piège. C'est vrai que je ne t'avais pas prévenu que j'allais te demander ça, pardon. Et donc, on aura cette petite capsule dont vous allez découvrir le sujet bientôt. On aura un documentaire sur le Belvédère sonore qui est en collaboration avec le festival Archipel. Vous en saurez un peu plus sur ce Belvédère. Et bien sûr, le tuto sonique de Jérémy Chevalier, qui est ta vision du réel actuellement. Donc, ça sera un tuto sonique enregistré. Je ne sais pas si on l'aura par téléphone ou non, pas. Non, aujourd'hui, c'est préenregistré, préparé par ses soins durant la nuit. Donc, on a le plaisir de le découvrir très bientôt. Évidemment, Patrice Caillé et Jérôme Poré en fin d'émission, avant une séance d'écoute avec David Taupe, qui est un de nos invités du jour. Et j'ai oublié de dire aussi que l'invité pour le rendez-vous mystère du jour est Julien Claus, qui présente une installation au festival Archipel. Et avant de découvrir la capsule de Doris et Vincent, je vous propose d'écouter le son mystérieux, le son mystère du jour, et pour pouvoir nous appeler à 11h10, Doris va vous donner le numéro de téléphone. 0482... 0782. Ah oui, pardon. 0782 44 57 54. Voilà, donc à 11h10, vous pouvez nous appeler pour nous dire quel est le son mystère et nous l'écoutons tout de suite. Voilà, magnifique, son mystère proposé donc par Jonathan Frigeri, ici présent malgré l'absence de sa voix, hein, qui est quand même avec nous et qui nous soutient psychologiquement. Et donc je crois que vous avez cette fois toutes vos chances de gagner une place pour le magnifique concert